Enedo transon folle. Les éclipses au petit jour. Les fraises gelées roulent les consoles à ma table. Certaines et d'autres me déshabillent. Dans le froid, je les porte nus aussi secs. Certaines et d'autres me collent comme je picole. J'ai le bourdon qui me scotche, le teint glacé, le cafard. Je patine des heures et des heures durant. Certaines et d'autres m'arrêtent, les essoufflants me criant dessus. J'aime l'odeur du vent des hangars et la couleur des yeux du hareng. Mais toi, tu passes et partout, je suis aux abois. Au boulot dans la caisse, je freine où tu niches. Tu me délaisses et je m'attache, même à l'arrière tu me cloues. C'est parfait, j'adore le passage où les seins nus. Tu prends en la crique, mais je m'accroche, une main dans les poches. Je flirte à longue langue le long de l'encoche. Mes sens s'envolent à tire d'elle comme des mouches. Je mords la poussière, ouais je mords la poussière à coups de hache. Certaines et d'autres me donnent la migraine, me défectent et me volent dans les plumes. J'aime le ciel qui s'abat, le brouillard dans le collage des collines. Certaines et d'autres martèlent à ma porte, tête pêchée dans les vis. S'approche, se resserre, mais quand ça tourne court, hein, ça en dit long. Certaines et d'autres me froissent et s'aventurent, rouge et papier. Je mesure les paroles, établis les règles et les mouches, au piquet. Certaines et d'autres manquent de crédit à mes yeux. Je choisis à la carte quelques idées folles, toi, les dépenser, moi. Je m'accroche, les mains dans les poches. Je m'accroche, les mains dans les poches. Les fleurs à longue langue, le long de l'encoche. Mes sens s'envolent à tire-d'aile comme des mouches. Je mords la poussière, je mords la poussière à coups de hache. Les mensonges à l'appel, j'en ai bavé, hein. Un millier à la louche. On fait tout un plat et je replonge dans le vide à vue d'œil où tu me touches. Fil en aiguille, les heures se rapprochent, hein. Doucement, doucement, doucement, les cœurs se croisent et s'écorchent. C'est vrai, j'ai survolé la question et laissé planer le doute. Regardes-tu tomber mes élans ailés du bord de la route? Tu as tourné la page et déchiré tout, mes billets doux. Je pars en fumée, mais demain qui sait, je reviendrai quoi, à pas de loup. Je m'accroche, les mains dans les poches. Je flirte à longue langue, le long de l'encoche. Le sang s'envole, la tire d'aller dans les bouches. Je mets en poussière, je mets en poussière. Je m'accroche, les mains dans les poches. Les fleurs à longue langue le long de l'encoche. Les sens s'envolent à tire d'elle comme des mouches. Je mords la poussière, je mords la poussière à coups de hache. Je m'accroche, les mains dans les poches. Les fleurs à longue langue le long de l'encoche. Les sens s'envolent à tire d'elle comme des mouches. Je mords la poussière à coups de hache. Je mords la poussière à coups de hache.